Si on se détache du système, on ne pourra pas s'en servir contre lui-même. Ou si on se détache du système, on n'aura pas l'objectivité du contexte, on ne pourra pas manœuvrer d'une façon tactique aussi non plus. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ont choisi le terrain et on ne peut pas se détacher de l'objectivité de voir le terrain. Donc, le système s'en détacher, il y a possibilité. Est-ce que c'est quand que j'ai parlé de ça? J'ai dit ça peut être aussi des opportunités, tout ça. Est-ce qu'on va avoir la capacité de manipuler ce qui nous manipule? Donc,